poussant et derrière il met une autre boîte, tout ça devant l'arbitre de touche. Et à la fin, ça fait carton jaune. Garçon qui nous a pas habitué à ça, en plus on a le droit, parce que partout où il est passé, c'était non, pas un... Je pense pas qu'il, je pense c'est pas qu'il était dans l'excitation et dans l'énervement. C'est dans l'élan, ouais. Je pense mais bon, là, sur l'action, quand même, il a mis trois gros bois qui m'ont été à chaque fois un jaune à chaque fois. Ouais. Donc sur ça, deuxième mi-temps après, où Bordeaux a repris la maîtrise du jeu, une fois qu'on a mené au score, changement Bisevac qui s'est blessé à la cuisse en fin de première mi-temps, donc il sort à la mi-temps. Ça a beaucoup joué. Ouais, mais physiquement, on a vu que Mendy, ben, finalement, il n'est pas si... Enfin, on parle tout le temps de sa couverture de balle et compagnie, mais moi, je ne l'ai pas trouvé énorme sur ce match-là. Il a tenté pas mal de remises sur Vlada. Dans les duels, excusez-moi, quand je le vois en couverture de balle, dans la lutte et tout, je le trouve pas si puissant que ça. Mais justement, tu vois, sur le deuxième but, je trouve qu'il y a, un tweetos qui s'appelle Geeks, que vous connaissez sans doute. Il a mis en exergue justement le travail de Mendy sur le but de Sankaré. Et justement, il est de dos, il tient les deux défenseurs, là où Malcolm déborde. Ça fait que les deux défenseurs ne savent plus quoi trop faire. Donc du coup, il les maintient tous les deux. Et du coup, Sankaré est libéré de tout marquage. Et Malcolm a plus qu'à donner le ballon à Sankaré et il y a eu un but qui était. Mais après sur ça, grosse difficulté. Enfin moi c'est quand même le gros point noir, c'est que finalement là où il devait être apporter un plus c'est dans le physique. J'ai pas trouvé qu'il était au-dessus des deux remplaçants de 2 mètres. Parce qu'il faut savoir que Bisevac, Fallet, les deux titulaires de l'axe central de Metz, n'étaient pas là. Par contre, il a eu un beau geste, se retourner, c'est de l'instinct. Et s'il le met, c'est super on joli. On a théorisé ça avec Seb. Mais voilà, grosso modo, la seule action de Mendy. Camano a eu énormément de difficultés. On a vu avec la rentrée de Cafu, alors qu'il semble prometteuse, mais on va pas s'emballer, c'était qu'une demi-heure. Et puis surtout au milieu qu'on a revu Sankaré toucher des ballons, on a revu Berenguer qui a fait un match. Et c'est là qu'à partir de ce moment-là où Coad et Poblete ont joué beaucoup plus bas que Bordeaux a pris la mesure du match. Les Raguer, ah oui pardon. Vas-y Marc. Ouais non. Je vois ce que dit Cyril. Enfin j'ai regardé le match avec Rico et. Non t'as crié le match avec Rico. Parce que les deux à côté là, m'emmaillent. C'est l'opéra de Milan. J'étais pas à 100% sur ce match-là. Non, et moi, il y a réellement quelque chose. Et je pense qu'on passera une saison entière. Et une saison entière, on sera pas d'accord. J'ai pas envie de dire, Mendy, bon, pas bon, nul, pas nul. Mais il y a une façon de concevoir le football dans la façon de concevoir quel doit être le rôle du numéro 9 dans ce 4-3-3. Dans un 4-3-3 où on demande à nos ailiers de bouffer la ligne de touche et d'étirer le plus la défense. Tu nous parles du but. Moi, ce que je vois surtout, c'est que si deux défenseurs vont sur le joueur, c'est que déjà, il y a un souci de positionnement des deux défenseurs et de jouer ensemble. Il n'y a pas deux mecs sur un gars. Enfin, je veux dire, c'est Mendy, c'est pas Ibrahimovic. Si tu te mets à deux pour le couvrir, c'est même pas Crivelli. Non, tu fais une erreur. Donc, arrive un moment, pour moi, c'est surtout une erreur de la défense qui, dans sa défense en individuel ou en zone, se plante. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vois, c'est que sur ce joueur qui s'est montré très, très, très peu disponible, puisqu'on est à 25 ballons touchés en 80 minutes, ce qui est relativement très faible. Oui, alors il y a deux façons de voir les choses, Marc. Il y a ta façon qui me dit qu'il s'est montré très peu disponible. Moi, j'ai peut-être une autre version aussi, c'est que on l'a peut-être pas forcément tout le temps recherché, parce qu'il y a quand même des fois où c'était « bon, je veux bien qu'on écarte ». Mais les deux, ils ont bouffé les lignes de touche, comme tu dis, à juste titre. Mais il y a bouffé la ligne de touche et être à 30 mètres de ton attaquant. Et il y a bouffé la ligne de touche et il y a bouffé le ballon aussi. Parce que moi, si j'ai un petit coup de gueule, voire un gros coup de gueule, et je l'avais déjà souligné lors de la dernière émission, Malcolm va falloir qu'il apprenne un petit peu à jouer aussi. Ok, il a fait une passe décisive, d'accord, c'est son rôle. Mais le 3-0, on se doit de le mettre au fond. Quand tu fais un rush comme il fait, j'étais sûr et certain qu'il allait le tirer, se la jouer perso. Quand t'as trois copains démarqués face au but, le but est vide. Tu te la joues pas perso parce que c'est la 88e, tu fais conclure, tu donnes ton ballon à ton copain. Après, Marc, pour revenir à tu peux aussi, alors oui, je l'accepte pas, mais tu peux aussi avoir envie de marquer ton but. Quoi. Non, mais c'est sévère parce que c'est son occasion, il la rate, mais finalement, c'est juste le dernier geste où c'est un peu. Au moins, tu la cadres. Ouais, après, c'est, si cadre, c'est 2-0, c'est la 93e. Bon, t'as assuré. Il y a 2-1 derrière, on prend un but comme à Angers. Ben voilà. Ouais, le score est fait. Ah, par contre, à 0-0, un partout, je suis d'accord. Oui, c'est embêtant. À 0-0 ou un partout, je pense qu'il fait pas la même chose. Mais on dit ça, mais il a 2-3 copains démarqués après. Mais il y a aussi un qui joue mal le coup dessus, c'est Cafu qui reste tout le temps hors jeu. Ouais, bon, après, c'est. Alors après, il reste tout le temps hors jeu. Par contre, moi, ce que je vois, parce qu'au final. Cette action-là, tout part d'un jeu à un ballon, Plasil l'aborde. Mm. Et vous pourrez me dire ce que vous voulez, mais au final, quand tu te procures pas d'occasion, tu peux pas marquer. Et au final, on marque sur quoi ? Sur une très bonne inspiration de Vada et une très jolie frappe. On est dans l'obligation, on n'a pas les joueurs qui ont le talent nécessaire pour se cacher pendant 90 minutes. L'autre neuf, il peut pas juste prendre des ballons à la tête. Déjà, là, Mendy, il les prend pas tous à la tête. Il perd 2 duels sur 3. C'est juste énorme. C'est énorme. C'est-à-dire que de la tête devant, on n'a pas. C'est on n'a personne d'autre. Ouais, ouais. Non, mais Marc, il a raison. C'est que on n'a pas un mec. Il a totalement raison, mais on n'a personne d'autre. Donc, si on a personne d'autre, je suis désolé. Ne jouons pas sur les qualités que nous n'avons pas. Jouons sur celles qu'on a. Ne soyons pas débiles. Je veux bien qu'on n'ait pas les qualités. On n'a pas un Marwan Chamakh. On n'a pas un Lilian Aslan pour aller chercher les ballons à la tête. Eh ben, joue pas à la tête. J'ai l'impression que le rôle de Bordeaux maintenant, c'est devenu de jouer forcément des ballons loin devant le à la tête. Le problème, c'est que Mendy, c'est pas jouer au sol. Et non, mais arrivé un moment, je veux pas être ni méchant ni désagréable, mais il va falloir absolument que l'on soit conscient réellement des possibilités qu'on a et du jeu qu'on veut faire. Moi, ce que je vois, c'est que ce jeu-là, il était stéréotypé et qu'une fois qu'il était parti à droite, une fois qu'il était parti à gauche, il ne se passerait rien. Et pour la défense, ça a été quand même très simple de nous voir venir parce que l'attaquant qui était au centre ne bougeait pas. Que ça soit Mendy ou pas, l'abord jouerait de la même façon, ça serait un c'est problème. Pour ça qu'on cherche un attaquant. Mais je suis désolé, quand on a un sur, on a deux profils qui sont différents entre l'abord et Mendy. Il y en a un pour moi qui ne colle pas avec la vision que je vois de ce poste. Il y en a un qui colle avec la vision du poste, qui est jeune mais qui est maladroit devant le but. On n'a pas le buteur que tout le monde voudrait qui soit complet, parce que s'il était juste buteur, ça m'irait pas non plus parce qu'il n'aurait pas d'occasion. Donc à un moment, jouons sur des réelles possibilités, des vrais réels atouts que nous avons. Si on regarde ensuite le match, ce qu'on peut voir par contre, c'est que défensivement, Jovanovic, très bon, Toulalan, très bon. Et en même temps, il y a rien du tout. J'allais dire, en même temps, on peut pas dire que Metz a pas une tête sur un corner en première. Vraiment mis en danger Bordeaux. Dès que les joueurs en face y couraient un peu vite, on serait dépassé. Ah, par contre, on s'aperçoit que si devant la défense, Lyon, on a un mec pareil qui sait jouer en tant que stopper, on n'est pas si vite dépassé ça, et qu'au final, l'espèce de lenteur tout l'allant, elle se gomme sur pas mal de choses. Par contre, ça veut dire que les trois là doivent être à leur niveau. Quand les trois sont à leur niveau, on souffre de quasiment rien. La première mi-temps est insipide parce qu'on n'arrive pas à avoir les 30 derniers mètres. Par contre, on a le ballon. La deuxième mi-temps, c'est mieux. Plus propre, elle est meilleure. L'entrée de Cafu la rend un peu meilleure pendant 10-15 minutes parce qu'il apporte la technique qu'on ne voyait pas trop sur le terrain. Et quand même un peu samba football, c'était sympa. Et puis il était partout, à gauche, à droite, voilà, au milieu. Et d'ailleurs, un petit peu trop partout, parce qu'il va pas falloir non plus trop dézoner, parce que quand tout le monde est à droite et qu'il y a personne à gauche, Pelnard, s'il oui, c'est ça, à un moment donné, je vois un match, donc, ils sont tous à droite. Il va falloir faire attention. C'est le pauvre Lager qui s'est retrouvé. Maintenant, si on continue et qu'on regarde l'ensemble, l'entrée de l'abord, pour moi, elle a dynamisé l'attaque. Et c'est indéniable. Et le débat de l'attaquant devrait, à mon avis, pas exister juste au vu des 10 dernières minutes. Puisqu'on va en recruter un bientôt qui sera titulaire indiscutable. Voilà, c'est ça. Et qui va reléguer les deux autres sur le banc. Et donc, pour revenir sur la défense, comme le disait Marc, le vrai révélateur, ça va être samedi à 17h, où on a vu pendant 3 matchs une défense, pour moi, qui était à la rue, hein, je le dis. De Sabali jusqu'à. On en parlera vendredi, mais voilà. Moi, ça me fait très très peur. Moi, ça me fait très peur aussi. Que ce soit de Sabali, Toulalan, Jovanovic jusqu'à à l'autre côté, peu importe qui tu fais jouer, Contento ou ce que tu veux, les 4 me font peur. Donc là, Metz, comme le disait aussi Cyril, c'était pas non plus des foudres de guerre. Ils ont pas eu non plus grand chose à faire, mais ne serait-ce que la tête sur le corner. Oh, le pauvre Moulin Roux, il m'a par fait contre, de la peine, il a pas eu un ballon exactement à exploiter. Mais par contre, samedi 17h, quand on va avoir un Marcelo Diaz, quand on va avoir Mariano Diaz, quand on va avoir un Fekir, quand on va avoir, donc déjà ça va aller plus Bertrand vite, Traoré, on va avoir Bertrand Traoré et compagnie, là ça va être une autre sauce, et on va avoir le vrai niveau de Toulalan, Jovanovic sur un Metz et un Lyon. Après, va voir si on prend une saucée ou pas. On en reparlera vendredi. J'en parlais aujourd'hui avec mon papa que je salue. Si on ne laisse pas ces joueurs là dans des dispositions pour prendre de la vitesse et nous faire mal. Et si tout le monde fait son boulot, à savoir les attaquants commencent à presser les milieux. Il n'y a pas que la vitesse. Oui, non, mais je veux dire, si on ne laisse pas ces joueurs-là faire ce qu'ils veulent avec le ballon, en théorie, on ne devrait pas être embêté. Je veux dire, si chacun fait son boulot. C'est vrai que si tu as 80% du ballon, logiquement, ça devrait aller. Voilà. En théorie. Mais tu as 20% quand même de dangereux. Dans un pays beau et magnifique qui s'appelle la théorie. Et en théorie, tout va bien. Sur ce match, la deuxième... sinon, quand même, il faut noter le boulot de l'erreur qui a été monstrueux. Pour moi, c'est le meilleur joueur du match. En première mi-temps, la seule chose qui ne réussit pas finalement, c'est qu'il tente pas sa chance quand il est devant le but. Sinon, il fait presque une première mi-temps parfaite. Ah, mais quand il a tenté en deuxième mi-temps, j'ai revu cet après-midi. Il frappe, c'est même pas une frappe. Mais... Il frappe même pas en fait. Il tape pour se débarrasser de son corps. Il est en arrière. Il y a pas de force. C'est là où il doit progresser. Après, il part de plus loin. Mais sinon, voilà, on est équilibré. Le problème, c'est que en première mi-temps, on était trop équilibré et on prenait pas assez de risques. Le but, il vient notamment aussi sur un Camano qui décroche. On l'a vu aussi le faire contre Angers. Ça veut dire que c'est pas statique. On met la balle sur le côté gauche et j'essaye de dribbler. On met la balle, je suis dos à mon défenseur, dos au but, et avec un geste, j'arrive à effacer mon défenseur et j'apporte de la vitesse. Ce qui peut être intéressant quand Camano le fait et quand Malcolm le fait aussi. En deuxième mi-temps, on a vu aussi Malcolm qui se promenait un peu plus sur tout le terrain, qui n'était pas cantonné à un côté. Eric ? Oui, non, ri. Exactement. Non, ri. Justement, tu ris. Bref. Et puis, un truc à améliorer encore, mais ça viendra, hein. C'est l'apport de nos latéraux qui doit être un peu plus incisif. Si on a Mendy en attaquant lors de certains matchs, il faudra penser à centrer. Et voilà. Mais notre milieu est intéressant. Après, peut-être que sur des équipes plus physiques au milieu, il faudra être avoir la solution de mettre les Ragars à place de Vada et Otavio en milieu défensif. Mais quand vous parliez de Lyon offensivement, ça c'est très fort. Mais le Ragars, je le trouve pas assez créatif pour alors le mais terrain. Mais ouais. Termine après juste un point sur ce qui va se passer dans pour la prochaine demi-heure. Dessus pour être le pour remplacer Vada, je trouve pas assez technique. Ah ben à mon avis si Otavio joue, il va jouer à ce le Ragars va jouer un cran. Mais après moi c'est que mon avis pour moi les Ragars, je le trouve très vaillant et beaucoup dans les duels. Oui. Mais dans la conduite de balle et dans sa technique individuelle, je le trouve très en dessous de Vada. Il t'a fait c'est quand même. Je dis pas un peu, je le trouve très en dessous. Très en dessous. Sur ce qu'a présenté Vada, sans être méchant, sur ce qu'a présenté Vada samedi, sur le match de samedi, j'ai pas vu Vada faire une transversale qui apporte de danger sur Malcolm. Non, mais il a marqué. Un peu timide quand même. Non, mais il a combiné, marqué. Il a combiné en deuxième. Les Ragers, sur ce qu'il a fait et au niveau de. Oui, il est dans les duels. Mais pas que dans les duels. Il faut les Ragers, il a ressorti les ballons et tout ça. Non. Ben, regarde les matchs. Regarde les matchs. En première mi-temps, tu dépasses pas le rond central. Il a ressorti les ballons. Mais il n'y a pas que les Ragers. Mais pas plus loin que le rond central. Un problème qui avait été noté contre Angers, c'est que des fois, Vada, et il faudra améliorer ça, entente entre Sabali. Grand ballon sur Mendy. Voilà. Entre Sabali, Vada et Malcolm, c'est que des fois, Vada était un peu trop bas et finalement, Sabali montait à droite et Vada prenait la place de Sabali pour pouvoir relancer. Et c'est ça qu'on doit améliorer. Mais pour moi, les Ragars, au niveau technique, il est bon et je pense pas que ça soit juste un simple 6. Pas pour moi. S'il vous plaît, juste une chose. C'est un bourrin. Il est 21h32, ce qui veut dire que l'élection du Bondrol et de l'Anonymous sont en théorie terminées. Ce qui va nous permettre pendant les 8 prochaines minutes de parler du Bondrol et de l'Anonymous. Ensuite, de 21h40 à 8, il est 32 et 8, ça fait 40. Non ? Non, mais quand on t'a dit 33, il était pas 21. Il reste 12 minutes. Ah, pour l'élection ? Ouais. Ah, ben on le fera à la reprise alors. Comme ça, vers moins 20, on vous diffuse l'interview. On fait la pause et on revient derrière. Et puis on finira avec le Bondrol, l'Anonymous. Ça vous va ? Ça va. Parfait. On parlait de le Ragers et du milieu de terrain. Oui. quelqu'un a quelque chose à rajouter, non, on peut passer à autre chose. Juste Loraguer, moi, voulez. C'était voilà, très très fort dans les duels. Un jeu de passe courte plutôt correct. Mais du coup. Mais franchement, moi personnellement, je trouve que techniquement, mais il n'est pas au niveau de la Ligue 1. Non, mais d'accord. Oh, alors là, pourquoi t'exagères ? Là, mon gars. Ah, quand même, là, je crois que là, tu vas te retrouver assez tout seul, je pense. C'était que Metz. Cyril a raison, il faut mettre aussi en parallèle l'adversaire. Écoutez, du soir. De toute façon, on va bien le voir contre Lyon, voilà, le samedi prochain. Voilà. Mais et on se rendra compte. Mais c'était la doublette avec Sankaré. Il soulage Sankaré de toutes ses tâches défensives et du coup ça permet à Sankaré de se projeter et notamment de marquer encore un nouveau but. Donc si ça peut le soulager Sankaré de ce travail là et tant mieux. Loraguer en 6 passe encore, mais Loraguer en piston droit. Oui, mais tu dis passe encore, ça veut dire que même comme ça, t'es même pas. Mais moi sur ce match-là, je l'ai pas trouvé top. Or contrairement à Adrien, qui semble emballé. Hein? Ouais, mais qui récupère le plus de ballons sur le match. Là on parle du match. Alors effectivement, sur ce match-là, j'ai trouvé qu'il avait été très bon. T'as raison, Cyril. Je pense que samedi, le niveau va se rééquilibrer un petit peu. Vous allez voir qu'est-ce qu'il va prendre dans la gueule. Et puis on va dire, comme d'habitude, comme contre l'autre, les deux défenseurs centraux et le 6, ils se sont fait bouffer. Mais contre Angers, il s'est pas fait bouffer quand il est redescendu vraiment en 6. Et après, je suis même pas sûr que contre Fekir et contre le milieu lyonnais, parce qu'à Lyon, il faut noter, on dit souvent, et les Lyonnais le disent eux-mêmes, il y a de fortes individualités, mais il y a encore à arranger sur le côté collectif, qui n'est pas encore au top. Là, on peut peut-être, vu que notre équipe n'a pas tellement changé. Tu rigoles ou quoi? On peut peut-être les avoir, mais Loraguer, il est pas technique ni rien, mais en attendant l'an dernier sur sa saison il plante 6 buts, 8 passes D. C'est vrai que t'as suivi Sult Waregem autant que Bordeaux l'année dernière. Non, mais il plante 6 buts, 8 passes D. Je pense pas qu'il soit mauvais. Sûr que dans un championnat où Keith Stelling, ton joueur préféré, flambe. Non, mais c'est comme si il joue jamais. Mais la question Adrien. Sur Tain, mais c'est comme si dire que Sankaré est moins bon techniquement que Vada, Sankaré il plante des buts et Sankaré et Loraguer ont un profil. Pour vous donner une idée, s'il vous plaît. Il n'y a pas un débat. Non, mais c'est lui, il est parti dans un truc de groupie. C'est pas groupie, c'est toi qui dis qu'il n'a pas le niveau de Ligue 1. Je suis désolé, c'était dans l'erreur. J'ai pas dit qu'il n'avait pas le niveau de Ligue 1. J'ai dit qu'il avait des limites. Non, tu l'as dit, Cyril. Preuve à l'appui. Non, il a dit, j'ai dit, il n'a pas la limite. S'il vous plaît, pour terminer sur Loraguer, et après on va passer à autre chose. À moins que Marc t'aies un mot à rajouter là-dessus. Un mot, si possible, de 5 minutes, ça serait pas mal. Sans faire de comparaison entre Vada et Loraguer, moi la comparaison, je vais la faire, mais quand on aura Otavio. C'est-à-dire que quand on aura Otavio en 6, sans carré, et que je pourrais juger les deux joueurs dans les mêmes dispositions. Ce que je vois, c'est que le match de Vada avec Pazil en 6, ça a été une catastrophe. Le match de Vada avec Loraguer en 6, le match de Vada était très bon. Enfin, très bon, c'était pas ça, mais. Je trouve qu'il a été. Le match de Vada, 66 ballons touchés. Bon, il en perd quelques-uns. Un peu timide quand même. Mais moi, un match avec 3 bourrins au milieu, moi ça me plaît pas, quoi. Il me faut quelqu'un qui joue au ballon. Bah, ouais, je pense. Moi, je trouve que Loraguer est vraiment un. Loraguer, c'est comme Sankaré, c'est des physiques. C'est des mecs qui. C'est des machines à courir, c'est des machines à duel. Mais tu peux pas leur demander d'avoir un écart de génie, quoi. Et technique, parce que la différence qu'a Vada, c'est que Vada a une vision du jeu que les autres, pour moi, non pas quand il est positionné haut sur le terrain, c'est-à-dire dans les 30 derniers mètres, Vada a une vision du jeu que les autres n'ont pas. Maintenant, la comparaison, on la fera plus tard, quand on aura des moyens de faire des comparaisons, parce que Loraguer, personne ne le connaît vraiment. Va le juger, même point, donc avec Otavio en 6. Ce qu'on voit sur ce match-là, pour moi, c'est que Bordeaux a pas du tout souffert contre une équipe de Metz, qui est à chaque fois les matchs à la con qu'on n'arrive pas à jouer, sur qui on fait 0-0, etc. Même si Metz régulièrement nous réussit assez bien. Ce que je vois, c'est que ça vient quand même confirmer certaines bonnes choses qu'on avait vues contre Angers. On sait qu'Angers, il y avait un problème aussi avec le physique. On voit que ce match-là, le physique n'est pas gommé. Mais on a vu par exemple que Sabali était plus en jambes. Pelnard plutôt discret mais assez correct. On n'a pas vu un grand match des Girondins. C'est d'ailleurs pour ça que sur les notes, je vous ai dit, je trouvais que vous enflammiez tous énormément. Ah, mais quand moi, j'ai vu qu'il y avait des 8. Clairement. J'ai trouvé ça totalement exagéré. À chaud, je me suis un peu chauffé. C'est normal, c'est Adrien. Et quand j'ai mis 8. Et je vous l'ai dit, moi, à chaud, je me suis chauffé. Je l'aurais fait à froid, j'aurais mis un ou deux points de moins à tout le monde. il a été mis dans certaines équipes type de la journée. Il fait vraiment un gros match. Vas-y, redis-nous ton joueur. Parce que des 8, t'en as mis 1, tu l'as mis à 100 carrés. J'ai pas mis à 100 carrés mon 8, hein, j'ai mis à l'Eraga. Mais écoute, tu apprendras à faire tes. Ah non, je suis pas sur le bon, je suis sur vidéo ton match. Ah voilà. Tu apprendras à lire un tableau. tu l'as mis à 8. Mais je suis désolé, quand je vois que Seb a aussi mis 8. Oui, mais je te dis, je viens de t'expliquer que là, j'avais noté à chaud, je noterai à froid, j'enlèverai un voire deux points à tout le monde. Mais j'espère bien. Maintenant, voilà, je trouve que, je vous l'ai dit, je vous ai trouvé très généreux sur un match que l'on gagne 2, qu'on aurait pu gagner 3-0 sans la petite bêtise de Malcolm. Voilà, je trouve que aucune note n'aurait, à mon avis, dû dépasser 7. Ça montre aussi un état d'esprit. Ça montre aussi que ce match-là, dans les têtes de tout le monde, et c'est surtout ça qu'il faut retenir du match, c'est qu'il fait bien à tout le monde. On avait fait un match contre Vidéoton, on avait fait une très bonne première mi-temps et ensuite, il n'y avait plus d'énergie dans le gaz, ça s'était vu. Et ensuite, on reste sur deux matchs. Il n'y avait plus d'énergie dans le gaz. Ouais, il n'y avait plus de gaz. Donc, du coup, tu n'as plus d'énergie. Dans la bonbonne. On n'a plus rien. On a vu un match Smartest à Vidéoton avec aussi une élimination. On a vu 20 minutes contre Angers, les 20 premières totalement catastrophiques sur le même niveau que le match d'avant. On était un petit peu en droit de douter. Sur ce match-là, on ne doute pas si. Au moins, si les doutes ne se sont pas estompés, ils n'ont pas été confirmés et surtout, il n'y en a pas de nouveau. Disons qu'on ne s'est pas enfoncé, quoi. On ne s'est pas enfoncé et on a un petit peu relevé la tête en gagnant, en prenant pas de but. Premier match à domicile. En concédant quasiment aucune occasion, tellement que Costil est devenu difficile à noter. Il y a un arrêt. Il fait rien du match, quoi. Et à part des sorties sur des centres, donc rien de fabuleux pour le noter, et c'est plutôt encourageant. C'est encourageant. Imaginez qu'on fasse le même match que contre Angers avant de jouer Lyon. Je pense que votre analyse du match vendredi sera bien différente avec ce match-là dans les jambes que si on l'avait pas eu. Voilà. Après, à Bordeaux d'être intelligent, on voit qu'il y a quand même des choses qui sont à la limite de basculer d'un côté ou de l'autre, faisant en sorte que ça bascule du bon côté. Alors, parce que n'oublions pas que ce Bordeaux-là, il y a 6 mois, nous mettait la joie. Tout n'a pas disparu en 2 matchs. Alors, il est 21h40. Je rajouterai aussi que... Pour finir et conclure par... qu'il est 21h40, qu'on va terminer. Alors, on va faire une chose qu'on fait pas d'habitude, mais comme on a un peu de temps en deuxième heure, ça va nous, on va pouvoir prendre le temps de le faire tranquille. On va vous diffuser donc tout de suite l'interview d'une vingtaine de minutes de Gaëtan Huard et de Xavier Domergue qu'on a enregistré avant le match. Ensuite, on enchaîne direct, on reprendra peut-être le micro vite fait, hop, 5 minutes, 2 minutes, 20 secondes. Même pas, je balancerai la pause dans la foulée. Mais ça se surtout que ça va se lancer tout seul. Voilà. Et on reviendra donc juste après la pause. On vous donnera le résultat de l'élection du banderole de l'Anonymous qui nous permettra de terminer complètement cet après-match de Metz. Et on parlera de la suite du programme, c'est-à-dire un petit point Ligue 1 sur les résultats de nos adversaires, censés être nos adversaires directs ce week-end. Un petit débat sur le Carolan. On a entendu Gourvennec en parler, on a entendu son agent, on a entendu un peu tout le monde. On va faire un petit point rapidement. Ouais. Et on terminera. Tout le monde sauf lui. Oui, lui, il a pas envie de s'exprimer. Voilà, donc c'est un peu compliqué. Et on terminera évidemment par le C'est Kiki. Allez, c'est parti pour la diffusion de l'interview de Gaëtan Huard et de Xavier Domergue. On se retrouve d'ici, allez, une petite demi-heure. Bonne écoute et puis vous nous dites ce que vous en pensez sur le chat. À tout de suite.